Yeah, la crabe. Yeah. Mon peu l'enfoiré. Hein? Pas là pour faire du blé, je rappe car le moral est perturbé. Par le satan, je compte plus les frères du B. Non. Si t'as fait du mal et que t'en es fier, tu le paies. On va rester vrai sur Ima. Entre potos, on rima. Y'a suffit d'un mic. Pas le temps pour les Tommy, si y'a pas Toto Rina. Mettez-moi pas travers, souris-moi. T'indiquerais ton chemin si t'es perdu. Rêve de bon, les avocats et médecins. Mais haram dans les si t'es perdu. Vie c'est vertu, c'est la misère. J'suis des verdures dans le vos serres. Spice me perturbe, trop de pixels. Très peu de vitre dans vos scènes. En haut de l'état ça ruse. Personne n'est paraissé trop tôt, on frôle le blackout. Maintenant j'suis loin de la rue. Mais encore des potos qui font des allers-retours au placard. Force à vous. Perturbé c'est la vie. La triste réalité. On est le prisme de la crise, de la précarité. Perturbé, perturbé. La vie met des gros gifs, j'suis perturbé. Perturbé, perturbé. La vie met des gros gifs, j'suis perturbé. Perturbé, perturbé. La vie met des gros gifs, j'suis perturbé. Perturbé, perturbé. La vie m'était gros, je suis perturbé. Perturbé depuis ado. Frère, c'est ce que m'a dit ma petite fée. Gros, ils aiment la gueule trop. Le bénéf est vite fait. Y'a toujours ces ambiances crapuleuses, ouais. Invitaillé. Ici les jeunes ont de plus en plus faim, ouais. Ravitaillé. Quand je me calme un peu sur le canard. Car pour les fins de soirée, je m'enfonce dans le canard. Des envies de dégrimer mes pieds sur canard. Si l'instant tôt le premier samedi du mois sur canal. Ali, qu'est-ce qu'on fout dans ce rap? Les jaloux en dessous dans la cave. On n'est pas comme eux, il faut leur clip en début de mois pour pouvoir montrer les sous de la gaffe. Belek en studio, te mets sa disquette. On leur sert la repu, clientèle satisfaite. Pendant qu'ils attendent de confort, on s'efface la tête, on sait même plus ce qu'on fait. Avec du jeu, ça fait 20, c'est magique. Les sages le jour, mais la nuit, elle s'agite. Mais c'est que des loups, c'est pas trop logique. Ils s'en battent les couilles de ton signe astrologique. Perturbé, perturbé. La vie met des gros gifs, j'suis perturbé. Perturbé, perturbé. La vie met des gros gifs, j'suis perturbé. Perturbé, perturbé. La vie met des gros gifs, j'suis perturbé. Perturbé, perturbé. La vie met des gros gifs, j'suis perturbé.